L'association de Liaoning est le porte-parole de l'association du district central et méridional de l'association générale des Coréens en Chine ont publié chacun une déclaration et un entretien pour condamner les presses conservatrices ignobles sud-coréennes comme Joseon Ilbo, Chungwan Ilbo et Daily Nkyang qui diffusent comme tous les jours des informations démagogiques contre la Corée du Nord tout en continuant la provocation politique et commettant des forfaits impardonnables devant la nation coréenne.